j'oublie, faut dire, j'en ai des choses à faire. Je suis tellement occupé, car moi aussi j'ai mes soucis. Puis l'autre s'en payait pour penser, penser qu'on peut changer la vie à coup de grève, de best of free, des petits coups de fraternité. Ce ne sont que des mots qui apparaissent et disparaissent au gré du vent qui les caresse. Je te fais dormir, j'ai dû manquer le jour nouveau. Je ne sais plus trop quoi faire, je peins les murs de ma prison. Je ne sais plus comment faire, j'ai oublié jusqu'à ton nom. Révolution. J'aurais voulu pouvoir en rire, rire jusqu'à en étrangler. Mais j'ai oublié comment rire. On m'a juste appris à souffrir et à garder la tête baissée avec mes pieds en ligne de mire, la poussière pour seul avenir. Et quand j'ose à peine espérer, oh, je me dis que c'est du délire et qu'il vaudrait mieux en finir. Alors je rallume la télé. Ce n'est que la merde à boire et on en avale si souvent qu'on s'habitue, évidemment. J'avais pas d'invite donc j'ai loupé le. Je ne sais plus trop quoi faire, je creuse ma tombe en reculant. Je ne sais plus comment faire, j'ai même oublié ta chanson.